Des soucis, j'en ai plein la tête. J'm'arrête pas de consommer. Un gros DP sur la veste. J'm'arrête pas de zoner. C'est du doudou, le gars, pas de panique. Va couler comme le Titanic. Y'a rien sans rien, tu me dis que j'te nique. J'suis avec ta Kerim, baby boy, et Malik. Fais ta folle, fée. Fais ton fou, fou, fou, fou, fou. Bientôt, tu vas me ban, fée. Tu vas me refaire coucou, coucou. Tu me rappelleras la fafa. Et j'te dirai, va femme cool. Moi, j'suis des gars dans le rap, pas de papa. J'pars mal derrière, t'es en cool. Elle se sent belle, elle t'a mis dedans, t'as besoin d'elle. C'est comme une maladie. Te laisse pas faire, fais pas confiance. C'est ce que ma maman m'a dit. Je traîne plus dehors, j'évite les gens. Je reste avec ma gadi. Et le soir, je pense à mes proches. Là-haut, au paradis. Elle fait sa folle, elle fait sa douce. Champagne, Belvé ou Grey Goose. Elle veut faire un tour de McLaren. Fais demi, j'en crie au Maracos. Je me laisse mis en bas de chez moi. Aujourd'hui, le secteur est mineux. Pas de sous à la fin du mois. Je me suis pas encore auto-tuné. Plein d'action, après le seul aime ça de critique. Elle c'est mon fruit de la passion. Comme une fleur elle est magnifique, fique. Magnifique, fique. Comme une fleur elle est magnifique, fique. Elle est magnifique, fique, fique. Nouvelle mixtape dans le 4-4-4. Que tu sautes ta fou à la 4-4-4. Tu joues les fous, rabat kakaka. Elle t'a quitté ta mine, je la tue très crac. Elle se sent belle, elle t'a mis dedans, t'as besoin d'elle. Elle veut que tu prennes un peu soin d'elle. Et que tu la suives dans son d'elle. M'arrêter de faire de la zik. C'est comme une maladie. Te laisse pas faire, fais pas confiance. C'est ce que ma maman m'a dit. Je traîne plus dehors, j'évite les gens. Je reste avec ma gadi. Et le soir, je chante à mes proches. Là-haut, au paradis.